limit man ka wè wè dan rêv mwen. Mwen ka senti ou kouche bò mwen. Kon wè miyaj ka flopè mwen. Souri dans moi, les moins découragés. Attends, aide-moi. En ces clés chagrins, qu'à fond ciel tête moins, mais l'âge arrivé, faudrait moins partir. Pas désespéré, pas découragé. Si vous plairez ou ça, j'aime moins peu même racher. Ça des fois plus raide, garde bateau, qui que mène moins, l'autre côté l'homme, en te kevle, ou des petits mots, tout reste, quand j'en ai passe moins qu'à songer.